Ferme ta chatte, petit bâtard, surtout quand c'est mon tour de rec. Et ferme ta chatte, petit bâtard, surtout quand c'est mon tour de rec. Viens faire maintenant, pas tant 10 ans, y'a que les fragiles qui font des brèves. J'ai pas confiance jamais de la vie, je laisserai mon piston à un prêt. J'ai pas confiance jamais de la vie, je donnerai mes pistons à ces traits. Que des bananes dans ce monde de fou, mais je vois que ça marche, donc je vais m'y mettre. Mange-moi banane et moi qui joue après, ça me va me faire des crêpes. C'est mini, mino, parle de moi, c'est tout ça que tu obtiendras. Là c'est mini, mec, mini, on te sort mon anaconda. Ils font peur aux grands, les petits chez toi ils font bien rire. Ils ont ces nous, c'est pas ta tête, la vie ça m'a qu'ils font de la rire. Les petits chez nous font peur aux grands, les petits chez toi ils font marrer. Ils ont ces nous, c'est pas ta vie, ça l'a de mer qui m'a rasé. Rata dans le club, rabat j'fais la teuf. Et pour des clubs tu viens me sucer la teuf. Rata dans le club, rabat j'fais la teuf. Et pour des yeufs, tu viens me sucer la hug. Rap ta rabat. J'ai la tête pleine, je les entends, mais tout se paye. Crois-moi pas tout paye, la route tourne, tout se paye. Les deux pieds dans l'aise, bien de l'île, j'suis un caractère. Me check pas la peine, en galère, t'es pas la frère. Draco pour la terre, je tombe pas ma fesse. Et toi, je la fesse, pas là pour la fame. J'pense à faire un retour au pays, je veux plus de Yevi. On peut qui t'obéit, ton bête obéit. Triste, y'a qui c'est la guerre, et le ciel et terre. J'en roule un, plein des terres, dans le Mercedes. J'fais comme que mes potes, ils dresseront les restes. J'fais comme que mes potes, ils dresseront les restes. Rata dans le club, rabat j'fais la teuf. Et pour des clubs, tu viens me sucer la teuf. Rapta dans le club, rapta j'fais la teuf. Et pour des yeufs tu viens me sucer la hug. Rapta rabat. J'vais aller au sommet avec mon équipe. Tu pensais que c'est mort, moi je pensais pas du tout. Suis-nous on sort un bail. Toi t'as trop la dalle, trop la dalle. Tu sors pas une arme. J'connais des médecins avec des ordonnances en réserve. J'y vais avec soin. J'ai mon état en regardant mes cernes. Yeah. On sort, tu prépares un traquenard. On sort des tracks, car il y a que comme ça qu'on vous parle. Me demande pas si j'écris mes textes et si j'ai trop mis de temps, je m'en branle. Ces gens ont la conscience et grande. Très méchant, les gens sans s'étendre. Rata dans le club, rabat, j'fais la teuf. Et pour des clubs, tu viens me sucer la teuf. Rata dans le club, rabat, j'fais la teuf. Et pour des yeufs tu viens me sucer la hug. Rapta rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat rabat.